Ouais, ouais, cette chanson, elle est liée à tous les illusionnistes qui pullulent dans ce monde-ci. Ouais. Ouais, t'es prêt là. C'est parti. As-tu déjà pensé à tous ces prisonniers de leur propre nom, de leur cage dorée? Pauvres martyrs enfermés dans leurs illusions, ils vivent sans jamais se poser de questions. Ils nous montrent un monde entièrement créé et nous font croire que c'est la réalité. Les pauvres à eux-mêmes, ils se répandent. Ce sont les illusionnistes du nouveau monde. Après tant de labeur, ils s'y sont arrivés. Souffrir, s'abstenir pour s'élever. Frustrés d'y avoir cru, lobotomisés. Tout simplement jaloux de notre liberté. Ils nous font croire qu'il faut s'adapter. S'adapter à leur système surdéveloppé. En sorcellerie, ils ont tout oublié. Que même au début, était du bon côté. Ils nous font croire que la science nous sauvera. Qu'il faut y faire confiance, ceux qui sont là pour ça. Donner de l'argent à leurs copains, à tous ces banquiers et à tous ces pharmaciens. Ils nous font croire que l'avenir c'est le progrès, que les statistiques ne cessent d'augmenter. Un oasis de bonheur, ils se sont créés, où seul cette élite est en sécurité. Ils ont créé la monnaie, nous en rendent dépendants. Ils ont créé les banques pour utiliser notre argent. La bourse c'est la vie, montrant le chemin. Le rêve américain, le rêve européen. Ils ont créé le pouvoir et les gouvernements. Tous ces fanatiques du pouvoir et de l'argent. Ils se tiennent la main, telle une grande ronde. Les illusionnistes du nouveau monde. C'est parti. Se sont construits un monde égoïste, un monde gouverné par les normes des capitalistes. Ils nous font croire en une haute société, car ils savent l'écart entre richesse et pauvreté. Ils ont partagé la terre, inventé les frontières, non, non. Distribué les mers et construit des barrières, non, non. Ils ont séparé les hommes, nos frères et nos sœurs. Ils se sont enfermés et se sont brisés le cœur. Et toi, toi qui es assis dans l'herbe, regarde les papillons voler et réjouis-toi de la réalité.